Pam pam Calisabal, que mets-tu à la porta? Pam pam Calisabal, que mets-tu à la porta? À cause Pierre et votre ami, que demande à des d'oubri. Pour des papous d'oubri, si on dit mouillage mal à hauteur. Pour des papous d'oubri, si on dit mouillage mal à hauteur. Mal à hauteur à maudit, que demande à l'humidicie. Monsieur l'humidicie, marche à une pas au pubité. Monsieur l'humidicie, marche à une pas au pubité. Pubité, qu'elle ou passe, que mamie a exact espace. Quand Pierre est arrivé, sa fille gassée est morte. Quand Pierre est arrivé, sa fille, sa migue est morte. Morte à subitement, et sans faille des testaments. Quand Pierre est végétaco, c'est un affaire ermita. Quand Pierre est végétaco, c'est un affaire ermita. Ermita, des intérêts agricoles, dit la capelle des panoles.